بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours 76 dans l'explication de la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Donc, on commence, Inch'Allah, on est toujours dans le chapitre au sujet de la foi en les messagers. Al-Iman ou Bil-Rusul. D'accord? Et comme vous savez, le livre de Cheikh Ibn Uthaymin, il explique en réalité la aqidah d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah par rapport aux six piliers de la foi. Arkan al-Iman al-Sitta. D'accord? Et. Donc le livre de base, comme vous le savez déjà aussi, parce qu'on en a lu plusieurs passages depuis le début, il est traduit en français, donc la croyance des gens de la Sunna. Donc le texte de base, il est traduit en français, sauf que le cheikh, lui, il a fait le charh, donc il y a plus d'explications. L'explication n'était pas, elle n'est pas traduite, donc c'est pour ça qu'en même temps, on en profite pour faire la traduction audio. Donc on est arrivé à un point maintenant dans lequel le cheikh il explique des versets par rapport au fait que les messagers d'Allah, aucun d'entre eux n'ont de caractéristiques divines. Tous les messagers d'Allah sont des êtres humains créés et ils n'ont aucune part des attributs de la rububiyya. Et donc, ils ne méritent pas d'adoration. Et on mentionne maintenant des versets dans le Coran qui clarifient et qui confirment que les messagers d'Allah, ils n'ont aucun pouvoir de profiter ou de nuire. Hein? لا ينفعون ولا يضرون إلا ما شاء الله. Donc, النافع والضار هو الله وحده. Hein? Celui qui profite ou qui nuit, c'est Allah seul. Et le messager, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé plusieurs versets dans le Coran pour dire qu'il ne détient pas le pouvoir pour lui-même, ni de profiter, ni de nuire. Donc si, comme le cheikh il a dit, s'il ne peut pas nuire ni profiter sa propre personne, alors comment pourrait-il profiter ou nuire à quelqu'un d'autre, hein? Donc c'est à Allah qu'il faut s'en remettre. Et donc, on va reprendre à partir de l'endroit où on s'est arrêté au dernier cours. Et on expliquait le verset, je pense que ça c'est maintenant, c'est le verset 21 et 22 dans Sourate Al-Jinn. Il dit, وَأَنْ يَقُولْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Donc, la signification de ces versets-là, dans les versets de ce que le cheikh Ibn Uthaymin a mentionné à ce sujet-là, je ne suis moi-même incapable d'obtenir un bien pour moi ou de me prémunir d'un mal sans la volonté d'Allah. Et en outre, son Seigneur lui a ordonné de dire, dit, je n'ai nul pouvoir de vous faire du mal ou de vous mettre sur le droit chemin. Dit, nul ne peut me protéger contre Allah et je ne trouverai ni allié ni refuge en dehors de lui. D'accord? Et le cheikh, il explique ça, il dit, ضرًا يعني في أبدانهم ورشدًا في عقولهم وتصرفكم في عقولكم وتصرفكم فلا أملك هذا. وقوله قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا يعني لن يجيرني أي لن يمنعني من الله أي إن أراد بي سوءا فلا أحد يمنعني من الله ولن أجد من دونه ملتحدا يعني لن أجد من دونه ملجأ وملاذا أو أرادني بسوء فأنا لا أملك أن أدافع ولا أن أمتنع بأحد وهذا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته كلها. والعجب أن قوما من الناس ادعوا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوه ضمنا في قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فصاروا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر، ويقولون هذا من تعظيمه ومن محبته. وإذا نهوا عن ذلك قالوا للناهي أنت تبغض الرسول، أنت منقص للرسول وما أشبه ذلك. فأي الفريقين أحق بالصواب؟ الجواب الناكر. أما المثبت فهو يعني أعدى من أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كذبه ووقع فيما نهى عنه حيث قال لا تغلو في، لكنه أبى إلا أن يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc le Cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset là, je ne dis قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Je ne détiens pas la capacité de vous faire du tort dans vos corps, ni de vous guider ou de vous orienter dans vos raisons, dans vos comportements. Je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas la capacité ni le pouvoir de guider ou d'égarer quiconque. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a ce pouvoir-là. Et il dit ensuite, قل إني لن يجيرني من الله أحد. Il dit, il n'y a personne qui peut me protéger contre Allah. Si Allah me veut un mal quelconque, personne ne pourra me protéger contre Allah. وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Et je ne peux pas trouver en dehors de lui un refuge ou quelqu'un pour me sauver ou pour m'aider s'il me veut du bien, s'il me veut un mal quelconque. Donc je pourrais pas repousser ce mal et je ne pourrais trouver personne en dehors d'Allah qui pourra me protéger. Et ça c'est ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même à sa ummah. Et donc ça s'applique à tout le reste de la ummah aussi. Et il dit qu'est-ce qui est étonnant par contre, c'est qu'il y a des gens qui prétendent aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui le démentent par implication, parce qu'ils disent par exemple quand ils ont un malheur ou quand ils ont un problème ou quand ils sont malades ou quand ils veulent quelque chose, au lieu d'invoquer Allah ils invoquent le messager. Ils disent ya Rasulallah arithna, ya Rasulallah kada al-madad, al-madad ya Rasulallah. Donc ça c'est comme s'ils invoquent le messager, ils demandent au messager du bien ou quelque chose, et alors que Allah subhanahu wa ta'ala il dit au messager de dire la amliku lakum darran wa la rashada, je ne détiens pas la capacité de vous faire du tort ou de vous orienter ou de vous guider ou de vous faire du bien. Donc le cheikh il dit, ces gens-là ils disent ça fait partie du respect envers le messager et de l'amour envers le messager, du fait qu'on lui demande de nous donner ou de nous aider ou de nous sauver ou de nous guider. Et en réalité, c'est pas vrai, c'est le contraire, c'est pas du respect de faire ça, parce que il y a dans ça du shirk. Donc tu désobéis à Allah, tu désobéis au messager et tu fais le plus grave de tous les péchés. Et le cheikh il dit, et lorsque tu veux interdire à ces gens-là et leur dire que qu'est-ce qu'ils font c'est interdit ou c'est pas correct, eux ils disent toi tu n'aimes pas le messager, tu n'aimes pas le messager, tu ne respectes pas le messager, tu dénigres le messager. Pourquoi? Parce que tu empêches les gens de lui faire des doigts ou de l'invoquer et des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit, c'est qui des deux groupes qui mérite plus la vérité ou qui est plus proche de la vérité? Est-ce que c'est ceux qui appellent les gens à l'invoquer ou à l'adorer en dehors d'Allah, ou ceux qui interdisent aux gens d'exagérer et de tomber dans ces exagérations-là et dans le shirk? Et le cheikh il répond, il dit la réponse à ça c'est bien entendu celui qui condamne ce genre d'action-là. Donc il dit, tandis que celui qui accepte et qui affirme qu'ils peuvent invoquer le messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il dit ces gens-là sont en train de le démentir et ils sont en train de faire exactement ce qu'il a interdit, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith la taghlu fiyya, Ou bien dans l'autre hadith, il dit la tatraw fiya kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Fa innama ana 'abdun fa qulu 'abdullah wa rasuluh. Donc il dit exagérez pas à mon sujet et ne tombez pas dans l'exagération par rapport à ma personne. Et n'exagérez pas envers moi comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus, le fils de Marie, car je ne suis qu'un esclave d'Allah. Alors dites, serviteur d'Allah et son messager. Donc ça c'est d'être dans le juste milieu. Donc le cheikh dit, ces gens-là par contre ils refusent, ils insistent pour être tout le temps dans l'extrême et dans l'excès et dans l'exagération. Et le cheikh dit, فَمَا وَظِيفَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إذا انتفت عنه هذه الصفات الجواب قال تعالى فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فوظيفتهم البلاغ أن يبلغوا ما أنزل إليهم أما أن ينفع الناس أو يضروهم فلا ولكن يأتي إنسان يلبس على العامة فيقول الرسول نفعني فدلني على الخير وبين لي الخير وحذرني من الشر وبين لي طرق الشر فنفعني والجواب عن هذا أن نقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره حتى إن العلماء يفعلون مثل ذلك ولكن لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوفقك أن تهتدي وهذا هو بيت القصيد Donc le cheikh il explique, il dit que dans ce cas, si on dit que les messagers d'Allah, ils n'ont aucune des caractéristiques de divinité et aucun pouvoir, aucune qualité de la rububiyya, dans ce cas-là, c'est quoi leur tâche? C'est quoi leur rôle? C'est quoi le rôle des messagers dans ce cas-là? Et le cheikh il explique, il dit le rôle des messagers c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَقَتْ. Leur rôle c'est seulement de transmettre le message d'Allah et la révélation d'Allah. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, verset 20 dans surat Al-Imran. Et Allah est clairvoyant de ses serviteurs. Et dans l'autre verset, le 110 dans surat Al-Kahf, il dit, dis ô Muhammad, je ne suis qu'un être humain comme vous. Innama ana basharun mithlukum. Ana bashar mithlukum. Je suis un être humain comme vous. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Il m'est révélé que votre divinité n'est qu'une divinité unique. Celui que vous devez adorer n'est qu'une divinité unique. Et il dit donc leur travail, leur tâche, leur rôle, c'est de transmettre la révélation seulement. Et de transmettre ce qui a été révélé. Qui leur a été révélé de la part d'Allah. En ce qui concerne de profiter ou de nuire aux gens, ou de leur faire du bien ou de leur faire du mal, non, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Il dit le cheikh, donc si quelqu'un il vient puis il essaie de tromper les gens en leur disant, mais moi il m'a fait du bien puisqu'il m'a indiqué le bien, et il m'a clarifié qu'est-ce qu'était le bien, et il m'a averti contre le mal, et il m'a clarifié les moyen qui m'amène vers le mal pour m'en préserver ou m'en protéger. Donc il m'a profité, il m'a fait un bien. Et le cheikh il dit, la réponse à ça c'est qu'on dise que c'est le messager il fait ça, il oriente les gens vers le bien, il les avertit contre le mal, mais c'est pas seulement le messager qui le fait, aussi les ulama de l'islam ils font ça. Et tous les gens qui appellent à la vérité et qui appellent au bien, après le messager, eh bien, ils font ça eux aussi. Le cheikh il dit, mais par contre, le messager ne possède pas la capacité de te guider ou de mettre la guidance dans ton cœur et de guider ton cœur. Il peut t'orienter vers la vérité en te montrant la vérité et en t'expliquant les preuves, mais il ne peut pas guider ton cœur. Celui qui a le pouvoir de guider ton cœur, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et c'est ça le point qui vient tracer la limite. Et donc il dit, وهذا هو البيت القصيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أما أن يبلغ الرسالة فالرسول صلى الله عليه وسلم يملك هذا كغيره حتى العلماء يملكون ذلك الشيء لكن يملك أن يهديك ويوفقك كلا فما استطاع أن يهدي عمه الذي دافع عنه واستمات في المدافعة عنه ما ملك أن ينفعه وهو يدعوه عند موته في أضيق ما يكون قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله فعجز الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك عجزا فآخر ما قال أبو طالب إنه على ملة عبد المطلب donc le cheikh il dit donc le point central la question ici c'est que le messager ne détient pas la capacité il n'a pas le pouvoir de guider les cœurs et d'ouvrir la poitrine des gens ou leur cœur pour mettre dedans la guidance et de les faire accepter la vérité. Il n'a pas ce pouvoir-là. En ce qui concerne de transmettre le message, ça oui, il peut le transmettre, de même que tous ceux qui viennent après lui, comme les sahaba, les ulama, eux aussi, ils détiennent la capacité de transmettre le message d'Allah. Mais, en ce qui concerne de guider, et de guider les cœurs et de les orienter, de les faire accepter la vérité, ça non. Et donc il dit, même le messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été capable, ou n'a pas pu guider son oncle, qui pourtant l'a défendu, et qui a tout fait pour le protéger. Et malgré ça, il n'a pas été capable de lui profiter au moment de sa mort, dans le moment le plus difficile, lorsqu'il l'a invité à dire, il a dit à son oncle, « Dis, la ilaha illallah !» C'est une parole par laquelle je vais argumenter en ta faveur auprès d'Allah au jour de la résurrection. Donc, dis la ilaha illallah au moment de sa mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été incapable de lui faire dire cette parole et de le guider à dire cette parole. Et finalement, la dernière parole que Abu Talib a dit avant de mourir, c'est « Je suis sur la religion d'Abdul Muttalib », c'est-à-dire la religion de son père, la religion des mouchriquines. Donc, ça c'est la preuve que si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait la capacité de guider les cœurs, eh bien c'est clair qu'il aurait guidé en premier son oncle, qui l'a aidé, qui l'a supporté, qui l'a défendu contre les mouchriquines. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il a dit à ce sujet-là, « Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. » Et ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin, il continue l'explication des autres points. Il dit « وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُمْ عَبِيدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ تَعَلَى بِالرِّسَالَةِ وَوَصَفَهُمْ بِالْعُبُودِيَّةِ فِي أَعْلَى مَقَامَاتِهِمْ وَفِي سِيَاقِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ فِي أَوَّلِهِمْ نُوحٌ فِي أَوَّلِهِمْ نُوحٍ يعني ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال الله تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا donc le cheikh il explique que il dit nous croyons donc que ce sont tous des serviteurs des esclaves d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés en leur donnant le message et la révélation. Et il les a décrits dans les stades, ou bien plutôt dans les degrés, ou les stades, comment ils l'ont traduit eux? Je crois que les messagers sont des serviteurs, il les a honorés en les choisissant comme messagers, donc ils ne l'ont pas traduit. Il y en a dans les plus hauts degrés, les stations les plus élevées, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits par Al-Ubudiyya. Al-Ubudiyya, ça veut dire quoi? Ça veut dire la soumission. Ça veut dire l'adoration. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas une plus grande éloge, une plus grande glorification que Allah peut faire à propos d'une personne, à propos d'un esclave ou d'un de ses serviteurs, que de dire de lui qu'il est un serviteur, un esclave. Parce que les gens Les gens en général, si tu dis d'eux qu'ils sont des esclaves, si tu dis que de quelqu'un qu'il est un esclave, en général, c'est quelque chose qui est dénigrant. Hein? Je veux dire, ah, lui, c'est l'esclave d'un tel. C'est pas quelque chose de glorifiant. Mais si tu dis que tu es l'esclave d'Allah et Allah, il te mentionne comme étant son esclave, eh bien ça, c'est quelque chose, au contraire, qui te glorifie. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié ses plus grands messagers et ses plus grands serviteurs en les appelant des esclaves. Et dans les stations les plus élevées, ou les moments, ou les positions, ou les circonstances les plus élevées de leur vie, dans les moments les plus importants de leur mission, il les a appelés par le terme d'esclaves. Et l'exemple de ça, c'est le verset 3 dans Sourate Al-Isra, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dhurriyata man hamalna ma'a Nuh » la progéniture de ceux que nous avons portés avec Nuh, hein, sur l'arche « Innahu kana abdan shakura » il était un esclave reconnaissant. Donc il le glorifie en parlant de lui comme étant un esclave. Et il dit dans l'autre verset, verset 1 dans Sourate Al-Furqan, « Béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan, c'est le Coran. Al-Furqan, c'est un des noms du Coran et qui signifie le discernement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'aide à discerner entre le vrai et le faux. Donc, béni soit celui qui a fait descendre le discernement sur son esclave, en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Liyakuna lil'alamina nadhira, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Donc, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala, il le glorifie par ce terme-là. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il explique ces points-là en disant « Na'am, nu'minu bihada, wa la shakka anna allaha manna alayhim bil-risala, a'azama al-minna, wa anna al-risalata min akbar al-ni'am, bal hiya akbar, akbar al-ni'am, ba'da al-hidayati lil-islam, wa hina idhin naqulu, من ورث الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله واستقامة حاله فقد أكرمه الله وكل مسألة يمن الله عليك بعلمها فهي إكرام من الله لك لأنك زدت على الجهل مرتبة فيجب على طالب العلم أن يشعر بأن الله أكرمه بما من عليه بطلب العلم كما أكرم الرسل بالرسالة. سبحان الله. Hein? Ça c'est une parole incroyable. Ça mérite ici qu'on mette une note, parce que c'est trop beau. Cheikh Ibn Uthaymin, il explique, il dit que nous croyons que tous les messagers ce sont des serviteurs, des esclaves d'Allah. Allah les a honorés par le message. Et le Cheikh Ibn Uthaymin dit oui, nous croyons en cela. Il n'y a pas de doute que Allah leur a fait la faveur de leur donner le message de la révélation. Et ça, c'est la plus grande faveur qu'on peut donner à quelqu'un. Il dit parce que le message, c'est la plus grande grâce que Allah peut donner. Et il dit, c'est la plus grande grâce, après d'être guidé à l'islam, c'est de recevoir le message de la révélation. Il dit, et donc on peut dire par conséquent que celui qui a hérité des prophètes leur science, en parlant des ulama et des tullab al-ilm qui étudient la science de l'islam, et qui a hérité de leur travail, c'est-à-dire la da'wa, d'inviter les gens à l'islam et à Allah, et qui ont été, qui se sont cramponnés et accrochés droit sur leur situation et leur état, hein, qui ont suivi les messagers et qui ont été droit sur le chemin de la religion, alors il n'y a pas de doute que eux aussi, Allah les a honorés. Et il dit, et dans chaque question que Allah t'a fait la faveur de connaître par rapport aux questions de la religion, il y a un honneur dedans que Allah t'a fait. Et il dit, parce que tu as augmenté d'un degré au-dessus de l'ignorance. Hein? Et donc, il est obligatoire pour l'étudiant de science, ou celui qui est en quête du savoir, de ressentir en lui-même que Allah l'a honoré parce qu'il lui a fait savoir de la religion, en cherchant la science, comme il a honoré les messagers par le message. Donc c'est comme si quand Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné quelque chose de la science, de la religion, il t'a honoré de la même manière, c'est comme si la façon qu'il a honoré les messagers par le message, et toi, il t'a honoré par la science des messagers. Donc, il t'a honoré par une des plus grandes faveurs. Donc, c'est vraiment une belle parole ici. Et le cheikh, il dit ensuite, il les a décrits également par al-Ubudiyya, comme étant des esclaves et des serviteurs dans les stations les plus importantes et dans les situations les plus importantes et dans le contexte de l'éloge sur eux. Il dit, le cheikh Ibn Uthaymin, يعني فقال في أولهم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فوصفه الله بالعبودية في مقام الثناء أنه عبد شكور ولهذا لما قيل للرسول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تقوم الليل إلى هذا الحد يعني إلى أن تتورم قدماه فقال أفلا أكون عبدا شكورا. Donc l'exemple de Nuh alayhi salam, hein, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 3 dans sourate Al-Isra, la progéniture de ceux que nous avons portés dans le bateau avec Nuh. C'est pour ça qu'on dit que Nuh, c'est le deuxième père de l'humanité après Adam. Adam, c'est le premier père de l'humanité et Nuh, c'est le deuxième père de l'humanité. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait anéanti tous les habitants de la terre à l'époque de Nuh. Et c'est Nuh qui a refait encore une fois la population de l'humanité. Donc, on peut dire que Nuh, alayhi salam, c'est notre deuxième père. Hein? Et il dit ici que Allah lui fait l'éloge en mentionnant qu'il est un serviteur, un esclave reconnaissant. Donc, il parle de lui comme étant un abd. Donc il le glorifie par al-ubudiyya, par le fait d'être soumis, d'être dans un état de servitude envers son créateur. Il n'y a pas de statut plus élevé que ça. Et il dit, et c'est pour ça que lorsqu'on a dit au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith qui est rapporté à propos justement du prophète, qui priait la nuit, jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Des fois il avait des craques dans ses pieds, des fentes dans ses pieds, à force de rester debout longtemps dans la prière. Et une de ces femmes qui a dit, oh messager d'Allah, Allah t'a pardonné tes péchés passés et à venir, alors pourquoi tu restes longtemps comme ça dans la prière? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ne devrais-je pas donc être un serviteur reconnaissant? Afala akunu abdan shakura. Donc on voit ici un exemple de ça. Et le cheikh, il dit ensuite, par rapport à l'autre verset, dans surat Al-Furqan, قال الله تعالى في آخرهم. Donc il dit, Nuh, c'est le premier des messagers. Donc voilà ce qu'il a dit à son sujet. Et le dernier des messagers, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet, béni soit celui sur qui le discernement a été révélé, pour qu'il soit, sur qui, c'est-à-dire sur ce qui a fait descendre sur son serviteur, son esclave, le discernement pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Il dit, فَوَصَفَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ بِالْعُبُودِيَةِ فِي أَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَهِيَ مَقَامُ الرِّسَالَةِ. C'est-à-dire, il a mentionné le messager comme étant un esclave, un serviteur d'Allah, dans la plus haute station, qui est la station du message. Allah lui a donné le message de la révélation. Il n'y a pas d'honneur plus grand que ça. Il n'y a pas un honneur plus grand que ça parmi les honneurs que Allah peut faire à un être humain, parmi les créatures. Et il dit, bien sûr, puisque la révélation, c'est la plus grande science. C'est la science divine, c'est la science qui vient d'Allah directement. La connaissance d'Allah et de ses noms, de ses attributs et des règles de sa religion. Donc tout ça, c'est par l'intermédiaire de la révélation. Donc ça implique, Ar-Risala, ça implique la science, ça, il n'y a pas de doute. Et ensuite de ça, le cheikh, il a mentionné d'autres versets. Il dit « Wa qala fi rusulin akharin, wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'qub, ulil aidi wal absar, wadhkur abdana Dawood dhal aid, innahu awwab. » وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَقَالَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Donc d'autres messagers ont été également qualifiés par ce titre, hein, d'éloge et de noblesse, d'être un serviteur et d'être un esclave d'Allah. Et dans Surat Sad, hein, et dans As-Saffat, beaucoup de messagers ont été mentionnés comme ça, par le titre de Abd. Et il dit donc, par exemple, le verset 45 dans Surat Sad. Donc on va lire la traduction de ces versets. Naam. Donc 45, il a dit le cheikh. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement, il dit « Rappelle-toi Ibrahim et Ishaq et Ya'qub, nos serviteurs, nos esclaves puissants, ulil aidi wal absar, et clairvoyants. » C'est-à-dire qu'ils détenaient la force et la clairvoyance, hein, la compréhension. Et il dit par la suite, dans les versets suivants, dans d'autres versets à propos de Daoud, Zal-Aid, comment il l'appelle, également, Daoud, celui qui détenait la force, il était repentant. Nahu Awwab. Il dit, rappelle-toi ou souviens-toi de notre serviteur, Daoud, celui qui avait de la force. Il était certes repentant. Et il dit « Wa wahabna li Daoud à Suleyman. » On a fait don à Daoud de Suleyman. « Ni'ma al-abd. » Quel bon serviteur, quel bon esclave. Il était repentant. « Innahu awwab. » Et à propos de Isa ibn Maryam dans Surat al-Zukhruf, il dit à propos de Jésus « In huwa illa abdun. » Il n'est qu'un esclave, un serviteur. An'amna alayhi, hein, sur qui nous avons mis notre grâce. Waja'alnahu mathalan li bani Israël. Et dont on a fait un modèle, hein, un exemple à suivre pour les fils d'Israël. Donc ici, il y a plein d'exemples de ça dans les versets. Ben, c'est sûr que les prophètes, c'est eux qui ont le plus de science, plus que quiconque parmi les hommes. Donc c'est clair que il serait impliqué en premier lieu, puis ensuite ceux qui ont hérité de leur science parmi les ulama. Ouais, c'est un bon point, mashallah. Donc c'est sûr, oui, les messagers sont inclus là-dedans, parmi ceux qui témoignent. Et Allah a mentionné leur témoignage. Ensuite, le cheikh, il mentionne donc l'explication de ces versets-là. Il dit وقال في رسل آخرين واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أولي الأيدي أي القوة في دين الله واذكر عبادنا إبراهيم إبراهيم عليه السلام وهو الثاني من البشر في الفضيلة وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هؤلاء أيضا من الرسل ووصفوا بالعبودية وقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة إنه أواب وقوله ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن العبودية وصف للرسل عليهم الصلاة والسلام وهو من مناقبهم وفضائلهم. يقول العاشق لمعشوقته La tad'uni illa biya abdaha fa innahu ashrafu asma'i. Na'udhu billah. Yaqulu idha aradta an tad'uni bi ashrafi wa ahabbi al-asma'i ilayya fa qul ya abda fulana li'annahu yuhibbuha hubban shadidan فقلبه معبد بها. وقال الشاعر: ومما زادني شرفا وتهيّن وتيها وكدت بأخمصي وأطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا بأخمصي أي بقدمي وأطأ الثريا فأكون فوقها يا عبادي أي عباد الشرع لا القدر. Donc le cheikh des fois c'est comme ça, il explique des il donne des exemples par rapport à qu'est-ce qu'il explique en citant des poèmes. Et donc il dit par exemple ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos des autres messagers la même chose que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. Puis il dit donc la ubudiya, le fait d'être un esclave ou un serviteur d'Allah, c'est une description qui est faite à propos des messagers alayhim salatu wassalam, et ça fait donc partie de leurs éloges et de leurs mérites, hein, et de leur excellence. Et il donne un exemple d'un homme qui est amoureux d'une femme. Qu'est-ce qu'il dit à propos de son amoureuse, hein, dans le poème? Il dit: ne m'appelle pas excepté son esclave, parce que c'est un de mes plus nobles noms, hein, parce que c'est un de mes noms les plus nobles. En voulant dire, voilà, il dit le cheikh, na'udhu billah, qu'Allah nous préserve. Il dit: si tu veux m'appeler par un nom, il n'y a pas un nom qui est plus noble et plus aimé pour moi que l'esclave d'une telle parmi les femmes, parce qu'il est amoureux d'elle et il l'aime tellement que son cœur est devenu esclave de cette femme. Allah musta'an. Donc même dans les chansons françaises, je me rappelle des chansons comme ça qui disaient ça. Il disait ça, que je suis esclave de son visage ou des trucs comme ça. Donc ils deviennent esclaves parce qu'ils sont pris par l'amour de cette femme comme un esclave est pris par des chaînes. Et un autre exemple qu'il a cité ensuite, qui mentionne donc yani des exemples aussi qui montrent que le serviteur, quand il aime, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il est esclave, il devient esclave de son Seigneur, hein, dans ce sens-là. Pourquoi il mentionne ça comme exemple? C'est pour dire que ça, c'est le plus haut degré, hein, par lequel un serviteur peut être glorifié. C'est de dire à son sujet qu'il est un esclave de son Créateur, esclave de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a glorifié ses messagers par ce terme-là. Ensuite, il dit « wa nu'minu بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم. Donc ça c'est un point important que le cheikh il explique maintenant, qui est le fait que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Allah subhanahu wa ta'ala a clôturé et scellé tous les messages par le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a envoyé à tous les hommes. Ça, on l'a expliqué plusieurs fois, qu'il n'a pas été envoyé seulement pour les Arabes, il a été envoyé pour tous les peuples et tous les hommes sur terre, et même pour les djinns, hein, jusqu'à la fin des temps. Donc, il explique par rapport à ça des versets dans le Coran. qui prouve ce point-là. Et parmi les preuves, le verset 158 dans Sourate Al-A'raf. Donc 158. Parce que des fois, les versets, eux, ils écrivent les versets avec les lettres indiennes. Hein? Et les lettres indiennes, le 8, c'est un V à l'envers. Et le V, c'est le 7. Hein? Le V, c'est le 7. Et le V inversé, c'est le 8. Et ça, c'est pas les chiffres arabes. Les chiffres arabes sont les chiffres qu'on utilise, les chiffres en français. Ça, c'est les chiffres arabes. Hein? Oui, c'est les chiffres arabes. Quand on appelle, quand on regarde ces chiffres-là, les gens, ils savent pas, mais c'est les chiffres arabes. C'est les Arabes qui ont amené ces chiffres-là aux Européens. Avant ça, ils connaissaient pas. Avant ça, ils avaient les chiffres romains. Ils connaissaient même pas le zéro non plus. Hein? Tout ça, c'est les Arabes qui leur ont amené ça. Donc, ça c'est pour dire juste que des fois je me mélange entre le 8 et le 7. En tout cas, Al-A'raf 158. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, dans Surat Al-A'raf 158, que le Cheikh il a mentionné ici? Il dit, dis, les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Inni Rasulullah ilaykum jami'an. En arabe, jami'an, ça veut dire tous. Hein? Donc quand on le traduit en français, on dit je suis pour vous tous, hein, le messager d'Allah. Donc ça veut dire qu'il est envoyé pour toute l'humanité, sans exception. Il dit celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Pas de divinité à part lui, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager illettré qui croit en Allah et en ses paroles et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc ça c'est le verset que le cheikh a cité à ce sujet-là. Et il explique ça par la suite en disant فقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي وصفه الله تعالى بثلاثة أشياء رسول نبي أمي أما رسول فظاهر لأنه أمر بتبليغ الشريعة وأما نبي فظاهر لأنه نبئ وأوحي إليه وأما كونه أميا فظاهر لأنه من العرب والعرب أميون كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. Donc ici le cheikh il explique que dans le verset en question qu'on vient de lire, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous les hommes, je suis pour vous, dit ô Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, il fait vivre et il fait mourir. Alors croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, celui qui croit en Allah et en sa parole, en ses paroles. Et suivez-le pour que vous puissiez être bien guidés. Et donc ici, le cheikh dit, on voit dans ce verset qu'il y a trois caractéristiques qui ont été mentionnées à propos du messager. Premièrement, que c'est un rasoul, que c'est un messager, que c'est un nabi, ça c'est le deuxième, et que c'est un ummi, troisième caractéristique. Et en ce qui concerne le fait que c'est un rasoul, ça c'est clair. C'est que Allah lui a ordonné de transmettre la charia qui lui a révélée. Le deuxième point, qu'il est un nabi, qu'il est un prophète, ça c'est clair aussi, parce que il a reçu une révélation de la part d'Allah. Et le troisième, qu'il est ummi. Et il dit ça aussi, c'est clair, puisqu'il fait partie des Arabes. Et les Arabes sont un peuple illettré, un peuple ummi. Et quand on dit illettré, ça veut dire que c'est un peuple qui a une tradition orale. C'est-à-dire qu'il n'a pas une tradition écrite. Et ça, bien entendu, c'était avant la révélation du Coran et avant l'islam. Parce qu'une fois que les Arabes ont reçu le Coran et qu'ils ont reçu la venue du messager, sallallahu alayhi wa sallam, après ça, ils sont devenus une nation qui a un livre. Donc, tu sais que auparavant, on distingue dans le Coran entre Ahlul Kitab ou Al-Ummiyin. Ahlul Kitab, c'est les juifs et les chrétiens qui ont déjà reçu un livre. Al-Ummiyun, ce sont les arabes parce qu'ils n'ont pas reçu de livre. Mais maintenant qu'ils ont reçu le Coran, ils sont eux aussi Ahlul Kitab, dans le sens qu'ils ont reçu un livre. Donc les arabes font partie maintenant de ceux qui ont reçu le livre. Ils ne sont plus des Ummiyin parce qu'ils ont reçu le livre. Et les peuples qui sont Ummiyin, c'est les peuples qui n'avaient pas reçu de livre auparavant. Et donc leur tradition était une tradition orale. Tout ce qu'ils transmettaient de leur langue, de leur histoire, de leur culture, de ce qu'ils avaient comme qui les distingue, eh bien ils le faisaient par la transmission orale. Il y a encore des peuples dans certains pays où il n'y a pas de d'écriture pour leur langue. Et donc la seule façon que tu peux apprendre leur langue, c'est si tu vas vivre parmi eux, parce que sinon il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas d'alphabet, il n'y a pas de grammaire, il n'y a rien. Bon, il y a une grammaire, mais elle n'est pas écrite. Non, il y avait une écriture arabe, mais ce n'était pas la tradition des Arabes, tu vois, dans le sens qu'il y avait très peu parmi les Arabes qui savaient lire cette écriture-là et qui pouvaient écrire. Et ce n'était pas leur principale façon de transmettre leur culture. Ils ne se référaient pas trop à l'écriture, mais plutôt à la transmission orale. La poésie et des trucs comme ça, ils rapportaient. Tout ce qu'ils faisaient, c'était transmettre par la poésie qu'ils mémorisaient. Et justement, ils avaient une mémoire très, très développée justement à cause de ça. Donc même les Arabes à l'époque, ils n'avaient pas une grammaire puis des règles de grammaire écrites. Tout ça c'est venu après, et le but de ça, c'était pour préserver justement la pureté de la religion, de la révélation et de la compréhension de cette révélation là parce qu'auparavant ils n'avaient pas besoin de ça. Mais une fois qu'ils ont eu le Coran, maintenant ça devenait nécessaire, surtout que des gens de l'extérieur, des gens non arabes qui rentraient dans l'islam et qui commençaient à déformer des fois peut-être la prononciation ou la lecture ou le sens de certaines choses. Donc quand les premiers parmi les khulafa ont constaté ça, eh bien c'est là qu'ils ont ordonné à ce que la grammaire soit faite. Et même les versets de Coran, le Coran à la base, le texte quand il était écrit, la façon comment il était écrit, eh bien les lettres du mushaf, il n'y avait ni point sur les lettres, comme par exemple le fa, le qaf, le jim, le ha, il n'y avait pas de voyellation, puis il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait pas de point non plus. Donc toutes les lettres dans lesquelles il y a des points, comme le mim, pas le mim, le jim, le nun, le ya, le fa, le qaf, le kha, le jim, toutes ces lettres-là, il n'y avait pas de points. Donc, le zaï, il n'y avait pas de points non plus. Le ba, il n'y avait pas de point. Le ta, le sa, il n'y avait pas de point. Et il n'y avait pas le fatha, il n'y avait pas le kasra, il n'y avait pas le dhamma, il n'y avait pas de sukun. Tous ces signes-là, ça a été rajouté après pour faciliter la lecture pour les gens qui commençaient à disons, entrer dans l'islam et qui ne savaient pas nécessairement comment le réciter ou comment lire le Coran correctement. D'accord? Et donc, c'est pour ça que ces signes-là ont été ajoutés par la suite pour faciliter la lecture. Donc, aujourd'hui, des fois, il y a des livres en arabe, tu vois, quand on lit un livre en arabe comme ça, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de, aucune voyelle, aucune fatha, kasra, dhamma. Et je me rappelle au début, quand on était converti à l'islam, que je ne connaissais rien de l'arabe et on voyait ça, on ne pouvait même pas imaginer comment les gens faisaient pour lire ça. C'est comme on dit, si c'est écrit, comment on peut pour savoir si c'est min ou man ou moun ou, hein? Mais après, quand tu apprends la grammaire finalement, puis après tu commences à apprendre de plus en plus de vocabulaire et des mots, ben tu sais que ça ne peut pas être autre chose que man dans tel contexte, puis que dans un autre contexte, ça peut être pas autre chose que min. Et parfois, tu vas lire une phrase, tu vas dire, bon, des fois ça va être mansoub, des fois ça va être marfou. Selon la signification de la phrase, tu vas comprendre. Il y a des choses, il faut que tu le déduises. Hein? C'est par déduction que tu vas comprendre quand est-ce, comment les Arabes doivent être. Mais c'est pour dire que les Arabes, quand ils parlent, ils n'ont pas besoin de réfléchir à ça. Parce que c'est devenu instinctif pour eux. Ça fait partie de leur langue. Tandis que si aujourd'hui les gens, étant donné qu'ils sont tellement loin de l'arabe, c'est quelque chose qu'ils ont perdu. Hein? Ils sont obligés de l'étudier à l'école. C'est comme c'est drôle de mentionner cet exemple-là, mais c'est comme nous on est. Moi j'ai grandi par exemple. Donc, tu vois, j'allais dire je suis grandi. Bon, les Québécois c'est comme ça qu'on parle ici. On dit je suis grandi. C'est ici que je suis grandi. Mais c'est pas du français. On dit j'ai grandi. On dit pas je suis grandi. Mais il y a plein d'exemples comme ça au Québec, comment on parle. Des fois, la façon dont on parle, c'est vraiment pas français, mais c'est la façon dont on se parle entre nous. Les gens qui discutent entre eux comme ça, c'est comme ça qu'ils parlent. Et quand on va à l'école, on apprend le français correctement. On apprend les règles de grammaire, on apprend comment il faut parler, des choses comme ça. Bon, maintenant, si tu vas aller dans les pays arabes aujourd'hui, tu vas aller n'importe quel pays, hein, de tout le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, tu vas dans la rue en Égypte, tu parles avec les gens, ils ne vont pas te parler l'arabe classique. Ils te parlent l'arabe dialectal, l'arabe de Yanné, comment on parle dans la rue. Et ça ne respecte pas nécessairement les règles de grammaire. Hein? Donc, les gens, quand ils parlent entre eux, ils se parlent sans réfléchir vraiment aux règles. Et des fois, ils vont contredire les règles, mais ils ne vont pas se corriger les uns les autres. « Ah, t'as mis mansoub alors que ce n'est pas mansoub. Ah, t'as mis fatha, mais ça devrait être kasra. » Non. Ils ne se corrigent pas parce que c'est leur façon de parler. Mais si tu vas à l'école, par contre, et tu as un examen des arabes, puis que le prof il te demande d'analyser la phrase puis de l'écrire correctement avec les harakat, là, tu es obligé de le faire. Donc, il faut que tu connaisses les règles. Mais dans la rue, personne ne parle comme ça. Hein? Ni à la maison. Et si quelqu'un commençait à parler comme ça, dans la rue avec ses amis ou bien à la maison, il disait, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu me parles fusha comme ça? C'est pas normal. Hein? Parle normal. Parle. Et souvent, des fois, les Arabes me disaient ça quand j'étais à Médine, dans les restaurants ou les trucs comme ça. Tu rentres dans un restaurant pour acheter un sandwich et puis tu t'adresses à la personne en arabe classique. Et puis il te regarde d'une façon comme si pour dire c'est comme si en voulant dire c'est un niveau de langage trop élevé pour ce genre d'endroit là. Tu devrais nous parler avec l'ami. Il y a pas un pays où il parle 100% l'arabe classique littéraire tout le temps, mais disons qu'il y a des pays où on peut dire que certains pays sont plus proches de l'arabe classique que d'autres. Mais de façon générale, dans tous les pays, il y a toujours une certaine base de langage arabe. Même des fois, il y a des mots que les gens vont dire dans la langue de la rue, l'amir, qui vient à l'origine de l'arabe classique. Oui, ça vient de l'arabe. C'est juste que la façon de le prononcer ou la façon de le dire qui est un petit peu déformé, mais sinon c'est la base, c'est de l'arabe, tu vois. Ou bien des fois c'est le même mot, mais il n'a plus le même sens dans la façon qu'il est employé. Maïda. Wow, ça. Et est-ce que ça veut dire une table? Ouais, non, c'est ça. Maïda. Donc, Maïda. On dit Maïda. Oui. Donc c'est ça. Des fois la façon de prononcer ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de mots comme ça, comme tu dis là, que au lieu de prononcer, on va pas prononcer le hamza. On va mettre un ya. Sma. Oui. Les Arabes, par exemple, au Moyen-Orient, l'eau, c'est al-ma. Eh bien, ils disent al-moya. Al-moya. Al-ma, ouais. Ça dépend des pays. Ouais. En tout cas, donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a des différences d'un pays à l'autre. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on parle du fait que les Arabes sont des Oumiyins. Hein? Sont des. Et il y en a des fois, des Arabes sont fâchés quand tu dis ça. Comment ça, on est des Oumiyins? Mais c'est pas quelque chose qui est utilisé de façon péjorative, là, pour dénigrer. Non, parce que pourquoi Allah il n'aurait pas dit ça pour dénigrer le messager? Il dit An-Nabi al-Ummi. C'est pas pour dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est pour faire savoir que, pour faire comprendre qu'il vient d'une tradition qui est orale. Il n'écrit pas, il ne lit pas. Et en même temps, au contraire, c'est qu'est-ce qui vient justement pour confirmer que qu'est-ce qu'il a transmis de la révélation, c'est pas quelque chose qu'il a lu quelque part. Hein? Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. C'est une révélation qui lui a été transmise. Et donc le cheikh il dit wal arab ummiyun fa in qala qa'il wasf ar-risalati wasf matlub wa wasf thana'in wa madh wa kadhalika an-nubuwa walakin wasf al-ummiyya hal ya'ti lil-madh aw la فالجواب في هذا المقام أنه صفة مدح لأن كونه أميا ويأتي بهذا الكتاب العظيم الذي فيه الزكاء والحكمة يدل على أنه رسول الله حقا إذ إن الأمي لا يمكن أن يأتي بمثل هذا فيكون وصفه بالأمية تأكيدا لصحة نبوته صلى الله عليه وسلم وحينئذ ينقلب هذا الوصف مدحا comme je disais. Donc il dit, on comprend, Cheikh il dit, si quelqu'un nous dit, on comprend la description de message, du message, que ça c'est quelque chose qui est exigé et qu'il y a une glorification et une éloge dans ça. De même que la prophétie, on comprend que dans ça il y a une éloge, mais le terme ummi, le terme que on dit quand il est ummi, illettré, est-ce que ça vient pour une glorification ou non? Et le cheikh il répond et il dit ici c'est une description de glorification, de dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah dit du messager qu'il est ummi, c'est-à-dire qu'il est illettré. Ici, c'est une glorification du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit pourquoi? Parce que le fait qu'il soit illettré et qu'il vienne avec un livre merveilleux comme le Coran, hein, dans lequel il y a la purification et la sagesse, ça c'est la preuve que c'est un vrai messager d'Allah. Parce que sinon, il ne pourrait pas de lui-même faire ce genre de livre. C'est pas possible qu'il écrive ça de lui-même. Donc, le fait qu'il soit un ummi, c'est ce qu'il prouve, justement, puisqu'il ne peut pas ramener quelque chose comme ça alors qu'il est illettré, il n'a jamais lu, hein? Il n'a jamais écrit, il n'a jamais lu rien. Comment il peut produire quelque chose d'aussi grand, d'aussi merveilleux? Et donc, c'est ce qui vient confirmer la véracité de sa prophétie, alayhi salatu wassalam, et donc ça devient une glorification dans ce sens-là, hein, pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam. وهنا فائدة إذا كان المقصود منة الله عز وجل على عموم الناس ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم تجد التعبير القرآني يقول من أنفسهم. وإذا كان المقصود العرب يعني من أنفسهم يعني من العرب، فإذا كان المقصود العرب تجده يقول منهم. أي نعم. فقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فإذا كان المقصود الإيمان والإسلام فهو من أنفسهم فيعم جميع الناس، وإذا كان المقصود النسب قيل منهم. وهذه القاعدة تحميك من الخطأ أو النسيان. وقوله تعالى الذي يؤمن بالله وكلماته صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله كما قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، وقوله وكلماته أي القرآن الكريم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف أن يؤمن بأنه رسول الله وأن يؤمن بالقرآن كغيره. نعم. Donc le cheikh il explique que donc un point ici يعني إذا كان المقصود donc si le but de la mention du fait que le messager son message il est une grâce ou une faveur pour tous les hommes, du fait que le messager a été envoyé pour tous les hommes et toute l'humanité, tu vois que le Coran il emploie l'expression min anfusihim et il dit et si le but c'est de désigner les Arabes, il dit pas min anfusihim, il dit minhum. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 164 dans sourate Al-Imran, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Donc c'est Allah a certes fait une grande faveur aux croyants lorsqu'il a suscité lorsqu'il a suscité parmi eux un messager de par eux-mêmes, hein? Donc ici c'est pour dire de par eux-mêmes, c'est-à-dire les croyants. C'est-à-dire que c'est une grâce pour tous les croyants. Et ici, après, quand il dit « وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ » là, il parle des Arabes. Quand il dit « مِنْهُمْ », c'est pour les Arabes. Quand il dit « مِنْ أَنْفُسِهِمْ », ça veut dire pour tous les êtres humains. Et il dit donc « إِذَا كَانَ الْمَقْصُودَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ فَهُوَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَيَجْمَعْ جَمِيعَ النَّاسِ » donc ça, quand il dit « مِنْ أَنْفُسِهِمْ », ça comprend tous les hommes. Mais quand il parle du lien de parenté ou de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il vient des Arabes, il dit « minhum ». Donc ça c'est une règle qui t'empêche de tomber dans l'erreur ou dans l'oubli par rapport à ça. Ensuite il dit, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit par la suite, celui, en parlant du messager, celui qui croit en Allah et en ses paroles. C'est-à-dire qui croit en Allah, c'est-à-dire yani le messager, Allah subhanahu wa ta'ala dit « le messager croit en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur, de même que les croyants. Et en ses paroles, c'est-à-dire le Coran. Donc, ça veut dire que le messager a lui-même aussi l'obligation et la charge de croire en le messager d'Allah. Il a l'obligation de croire en lui-même comme étant le messager d'Allah et de croire en le Coran comme les autres musulmans. Il a autant l'obligation de croire en le messager d'Allah et en le Coran que les autres croyants, puisque Allah lui a ordonné de croire en ça. Et il dit wa qawluhu ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ittabi'uhu ay ittabi'u shari'atahu wa qawluhu la'allakum tahtadun hadha lit-ta'lil ay li'ajli an tahtadu. Donc il dit et suivez-le pour que vous soyez bien guidés, pour que vous puissiez être bien guidés. Et il dit, c'est-à-dire, suivez-le, c'est-à-dire, suivez sa charia, suivez sa loi, sa législation. Pour que vous puissiez être guidés, ça c'est pour expliquer la cause de la guidance. Donc, comme on expliquait l'autre jour, la guidance a une cause et l'égarement a une cause. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça que je voulais expliquer l'autre jour aussi, Allah il est juste. Et sa guidance et son égarement sont tous les deux reliés à sa justice et à sa sagesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il guide, hein, il guide par rapport à des causes et il égare par rapport à des causes aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran des exemples de causes pour être guidé et des exemples de choses qui font que quelqu'un peut être égaré. Et parmi ces exemples-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit yani alif lam mim dhalikal kitab, non c'est pas ça, c'est walladhina, par exemple walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ceux qui font des efforts, hein, vers nous, nous les guiderons sur nos chemins. Ça veut dire que si tu fais les efforts pour obéir à Allah et suivre sa voie, il va te guider par conséquent. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ, quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans l'autre sens, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, lorsqu'ils ont dévié, eh bien, à cause de ça, ils ont choisi l'égarement, Allah a dévié leur cœur. Il y a toujours, c'est toujours par rapport à une conséquence de qu'est-ce que quelqu'un a fait comme cause. Hein? Donc il y a une sagesse. C'est pas celui qui cherche la guidance et qui veut être guidé et qui fait le bien et qui cherche à obéir à Allah, et puis Allah va l'égarer. Et Allah, il est juste, hein? Et il est sage. Et il mentionne ensuite, le cheikh il dit, فَالشَّاهِدْ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Donc le point qui est le point du verset qui est le verset, qu'est-ce qu'on veut établir du fait que le messager d'Allah il est envoyé pour tous les hommes, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous les hommes, hein, il s'adresse à l'humanité tout entière, croyant ou non, Inni Rasulullah ilaykum, je suis le messager pour vous tous. Hein, je suis le messager pour vous tous. C'est-à-dire pour tous les hommes, les croyants ou les non-croyants. Il est le messager pour les Arabes et les non-Arabes, pour tout le monde. Il dit Walladhina qalu innahu rasulun ila al-arabi faqat, hal amanu bi risalatihi ila al-arab? La, lam yu'minu biha. Fanaqulu lahum, law kuntum amantum bi annahu rasulun ila al-arab, لزمكم أن تؤمنوا بأنه رسول إلى العالمين لأن الله تعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا وقال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فلماذا تصدقونه في شيء وتكذبونه في شيء ومعلوم أن من آمن ببعض فقد كفر بالكل والدليل على أن الله ختم به الرسالات قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc il dit le cheikh que, donc ça c'est la preuve que le messager il n'est pas envoyé seulement pour les Arabes, il est envoyé pour tout le monde. Donc est-ce que celui qui dit ou qui croit que le messager est envoyé pour les Arabes seulement, est-ce qu'il est-ce qu'il a cru, hein, en ce message? Non, il n'a pas cru au Coran, il n'a pas cru au messager s'il pense que le messager est envoyé seulement pour les Arabes, parce qu'il doit croire que le messager est envoyé à tous les hommes, puisque Allah il dit ô vous les hommes, dit au Mohammed ô vous les hommes, je suis le messager envoyé à vous tous. C'est le verset 158, pardon, dans Sourate Al-A'raf. Dit au Mohammed, vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Oui, ça implique tous les créatures, tous les hommes. Et le messager, il est envoyé pour les Athaqalayn, pour les hommes et les djinns. Donc, on peut utiliser le terme Nas pour désigner les djinns et pour désigner les êtres humains aussi. للعالمين aussi. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين c'est pour tous les mondes, une miséricorde pour les mondes. Ensuite, le cheikh il dit donc, celui qui n'a pas donc cru en tout ce qui a été révélé, donc c'est comme s'il avait rejeté tout. Et il dit وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ, donc la preuve que Allah a scellé la prophétie et le message par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verset 40 dans sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes, c'est-à-dire il est venu sceller et terminer la prophétie. Il dit وَهَذِهِ الْآيَا سَقَطَتْ مِنِّي سَهْوًا وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُذْكَرْ فِي الْمَتْنِ لِأَنَّهُ قِيلَ مَا الْحُكُمُ فَالْجَوَابَ الْحُكْمُ خَتْمُ الرِّسَالَاتِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ الدَّلِيلُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Donc c'est le verset 40 dans sourate Al-Ahzab. Il dit le cheikh que ce verset là je l'ai oublié. J'ai oublié de le mentionner dans le matin. Il dit sinon il aurait fallu que je le mentionne. Comme ça, quand on demande par exemple c'est quoi le hukum, la réponse, le hukum, c'est basé sur ce verset, du fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu sceller tous les messages, et que c'est lui le dernier des messagers. Il dit donc j'aurais dû mentionner ce dalil là, mais je l'ai oublié. Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Il dit وَكَوْنُهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ يُفْهَمُ مِنْ عُمُومِ الرِّسَالَةِ لَكِنَّهُ بِاللَّازِمِ وَكَوْنُ الشَّيْءِ يُذْكَرُ بِالْمُطَابَقَةِ أَوْلَى مِنْ كَوْنِهِ يُذْكَرُ بِاللَّازِمِ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّنَا إِذَا قُلْنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ إلى يوم القيامة لازم أن يكون خاتمهم. Donc il dit donc que le fait que le messager Mohammed صلى الله عليه وسلم est le sceau des prophètes, c'est quelque chose qu'on peut comprendre de façon générale par rapport à son message et qu'on peut déduire également par implication, sauf que le fait de le mentionner de façon claire avec les preuves spécifiques à ce sujet-là, c'est toujours mieux que de le mentionner de façon implicite. Et il dit qu'il n'y a pas de doute que si on dit que Mohammed est le messager pour tous les hommes jusqu'à la fin des temps, que ça implique également qu'il est le dernier des messagers et le dernier prophète. Et il y a aussi, sans oublier, par rapport à ça, il n'y a pas que ce verset-là comme preuve que le messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes, le khatim, le khatim, tous les messagers et des prophètes, mais aussi un grand nombre de hadiths authentique qui confirme que le messager, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. C'est ça. Il ferme toute la porte parce qu'il n'y a plus de prophètes du tout. C'est ça. Et justement, il y en a qui ont joué avec ça, parmi, comme les Black Muslims par exemple, qui suivent Elijah Mohammed. Ils disent il est le messager. Ils disent dans le verset, ce n'est pas mentionné messager, c'est mentionné prophète. Le sceau des prophètes. Et lui, il dit, moi, je suis pas un messager, je suis un prophète. Mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas, c'est que le fait que tu te dises messager, ça implique indirectement que tu sois un prophète, parce que tous les messagers sont des prophètes. D'accord? Donc, si Allah a dit qu'il n'y a plus de prophètes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça implique également qu'il n'y a plus de messagers. D'accord? Donc, ça vient réfuter en même temps ce groupe d'hérétiques qui se prétend musulmans mais qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme les Ahmadiyya, les Qadianiyya et aussi les Black Muslims qui suivent Elijah Muhammad et ceux qui sont avec lui là dans son groupe. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وياكم ان شاء الله. Donc prochain cours.